Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric. Salut Martin. Content de te revoir. Moi aussi et t'entendre. Ah, oh, super. Et Simon Rousseau. Salut Frédéric, salut Martin. Salut Simon. Salut les gars. Et Mathieu Bouillon. Mon petit Toby, c'est l'heure de te changer en arbre. Tu sais, dans Passe-Partout. Non, OK. Non, j'ai vraiment tout écouté les épisodes de Passe-Partout et ça me dit absolument rien. T'as pris le moment le plus obscur. C'est vraiment obscur. C'est un conte que grand-mère raconte. Puis c'est. Elle va le changer en arbre. C'est Toby. Moi, j'ai juste le petit ratapadou. Mon petit Toby. Le petit ratapadou, oui, avec les parapluies dans le trou. Oui, il s'appelait le ratapadou. Hey, hein, on s'égare toujours en début de podcast, mais pas de problème pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. C'est une balado-diffusion où quatre experts en rien s'improvisent experts en tout, le temps de trouver des solutions à un problème donné par vous, les auditeurs, et aussi un peu plugué qu'on joue à la lime, surtout ce dimanche, hein, on est les quatre là. Bien oui. Oui. Au Lion d'Or, donc si vous écoutez ça, là, quand, dès que ça sort, là, eh bien c'est ce dimanche. Et aussi, on a aussi plugué que Simon danse en chess, en background, dans Série Noire. Mais dans voilà. Le egg. En background, de loin, de loin. Moi, je me rappelle quand Simon m'avait dit l'hiver passé qu'il tournait en chest dans Série Noire, j'étais loin de penser qu'il allait danser dans un rave party gay. Oui, oui, c'était ça. De criminels. De criminels. Oui. Ouais. Mais il y en a d'autres en plus. Je ne vais pas vendre trop de punch, mais il y a d'autres parties qui s'en viennent. Mais quand... ce qui est excellent, c'est quand tu connais les personnes qui sont en background, oui. T'écoutes plus ce qui se passe en avant. On regarde juste nos amis en background en Bédan. Alors, voilà. Donc, c'était les petites plugs. Et cette semaine, notre problème nous vient directement de Twitter. Et c'est J.S. Chapelot qui nous le propose. Oui, et qui va comme suit. Mm-hmm. Pas de problème. J'ai honte de dire que je suis fonctionnaire. Comment glorifier mon rôle dans la société quand je parle de mon emploi? Pas évident. Problème épineux, s'il en est un. Oui. Voilà. Moi, tout d'abord, là, ça a toujours été un peu abstrait. C'est quoi un fonctionnaire? Ben, un fonctionnaire, je pense que c'est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique. Ouais, oui, c'est ça. Et voilà. Donc, il est employé par l'État. Oui, exact. Donc, il n'est pas dans le secteur privé. C'est... le gouvernement qui est son patron. Mais c'est très, très large. Là, c'est très, très large. Oui, ça peut être les enseignants, policiers, les infirmiers. Infirmiers, ouais, les policiers. L'école bleue, l'école blanche. Peut-être un jour les travailleurs du sexe. Quand le sexe va être nationalisé. Ouais. C'est plate que les gens ne voient pas ta face de joke. Le sexe. Mais. Le ministre du sexe. C'est ça. Mmh. Mais non, souvent, on a une mauvaise image des fonctionnaires justement parce que c'est nos sous. Comme contribuables, nos taxes ainsi que nos ce qu'on donne en partie notre salaire, qui payent leur salaire à eux. Donc, ils ont toujours un préjugé défavorable à partir du moment qu'on a un moins bon service parce qu'on se dit c'est moi qui paye à quelque part ton salaire, donc je veux avoir un service adéquat. Mais il me semble que les pires, c'est plus les pousseux de crayon. C'est eux les cadres. Oui, c'est ça. Ouais, les cadres. Mais eux, techniquement, peux les retrouver dans... toute entreprise. Ouais. Oui, mais souvent, dans la fonction publique, moi, j'ai l'impression que les cadres, au contraire, sont justement ceux qui sont les moins paresseux parce que, justement, ils ont à gérer une gang de gars en dessous d'eux. Mais en même temps, c'est juste un... Mais c'est une perception. Là. C'est une perception. La perception, c'est que le public, si on veut, versus le privé, est moins efficace. Oui. Parce qu'ils ils ont peut-être pas la rentabilité maximale comme priorité numéro un. Donc, en tout cas, ça marchait bien pour les Soviets, pourtant. mais la fonction publique, souvent aussi, sont réputés pour... ils ont comme l'image de ceux qui premièrement, ils ont toujours des très bons avantages sociaux. Tu as déjà des, plein d'avantages à travailler pour le gouvernement, là, les fonds de pension, les assurances et compagnie. Et on a tout le temps l'image aussi du fonctionnaire qui se plaint de ses conditions de travail. Et là, c'est là tout le monde fait « ben oui, mais arrête, t'as une bonne job, t'sais, pourquoi tu chiales? » Ils sont souvent, on a l'image des fonctionnaires qui font la grève pour des niaiseries. Fait que c'est sûr, là, bien sûr, là, je généralise. Là, je parle d'une perception parce que c'est un milieu dans lequel j'ai jamais vraiment été. C'est aussi la lourdeur des processus bureaucratiques. Moi, en fait, j'ai pas travaillé comme fonctionnaire, mais quand même un peu. Au municipal, moi, je travaillais dans des bureaux d'arrondissement à la ville de Montréal. Puis, tu sais, mes journées, là, en termes de travail, là, ce que j'accomplissais, là, mettons une journée de 7 heures de travail, là, c'était l'équivalent d'une heure et demie peut-être. Là. Le reste était, tu sais, comme la vie de bureau. Puis, c'était quoi ton poste? Mais là, tu le fais au privé, là, c'est ça? Oui, non, mais tu sais, je compense, tu sais, je niaise des fois, mais je travaille fort, tu sais. Mais là, j'étais en fait chargé de communication pour l'arrondissement Villeray-Saint-Michel avec l'extension. Bon, ben. En voilà une solution, de justement pas dire « je suis fonctionnaire », de dire « je suis chargé aux communications ». Ben oui, mais, c'est vrai. Mais je trouvais que c'était une bonne piste de quand j'y pensais aujourd'hui, la piste de réflexion de rebrander, de renommer… la fonction publique, mettons, Ouais, c'est ça. Comme, mettons, appeler un pompiste un expert en extraction de produits pétroliers. C'est ça. Non, ou un fournisseur, pompiste, c'est une bonne manière de le nommer. Ouais. Donc, tu sais, ton poste… Peut-être un travailleur étatiste de l'État, peut-être. Oui. Je suis un étatiste. Mais un pompier, c'est-tu un fonctionnaire? Quelque part, oui. Oui, c'est un fonctionnaire. Donc, on est tous des pompiers de quelque chose là, dans la fonction. Peut-être faire... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un pompier, mais pas de feu. Mais c'est juste essayer de surfer sur la vague des pompiers. Là, en fait, c'est ça qui est aussi pas clair. C'est qu'il a pas nommé sa fonction exactement. Je pense que peut-être que les pompiers, par exemple, subissent moins de préjugés négatifs. Ouais, parce que ces gars-là, même s'ils ont des bons avantages, ils vont quand même venir se faire flamber pour sauver ton enfant. Ils vont risquer leur vie pour venir te sauver la tienne. Là. Ou poser pour des calendriers. Ouais. Cela dit, il offre moins de services qu'avant. Semble-t-il qu'on ne peut plus appeler les pompiers pour notre chat qui serait pris dans un arbre. Non. Qu'est-ce qu'on fait si le chat est pris dans l'arbre? Semble-t-il que le chat va finir par descendre. Juste en m'en venant ici, j'ai dû voir au moins 14 chats dans les arbres. C'est la saison gelée. Vraiment, il n'y a personne qui les aidait. Non, c'est fini. Mais tu sais, tu parlais des calendriers. C'est peut-être pour ça qu'on aime les pompiers. Mm. Fait que peut-être que si, tous les bureaux de fonctionnaires faisaient des calendriers grivois légers. Puis là, je vais vraiment faire une digression, mais je suis quand même... consulter le calendrier des pompiers il y a 3 ans. Et je veux vraiment pas vous badcaller, messieurs pompiers, mais j'étais très déçu des choix esthétiques qui avaient été posés. Ah oui? Ils n'ont pas changé depuis 78, hein? Non, au contraire, il y avait 12 pompiers sur 12 qui avaient le chest waxé. Non! On n'est plus là. Aucun pompier a gardé de poêle. Il n'y avait pas des cheveux bleachés. Non, il y a 3 ans, là. Non, ça marche pas. Tu dis que le poil est revenu au calendrier des pompiers? L'as-tu consulté? Est-ce que quelqu'un a vu le calendrier des pompiers 2014? Hélas, là, pars à un autre problème. Oui, je comprends. Je voulais dire une petite digression. Mais la hélas, disparition du poil. Non, mais ça contribue à ce qu'on ait une image négative des fonctionnaires. C'est ce qui a contribué à ce que j'ai l'image la plus négative des pompiers au cours des 3 dernières années. Mais en fait, Simon, ça m'aide à quand même passer un message à nos podophiles de nous envoyer des problèmes. Parce que là, on va peut-être aborder celui-là, là, l'absence du poil là, dans notre société bientôt, parce qu'on on est à sec. Là. L'absence de poil dans notre société, je contribue grandement. Mais t'es tout seul. Puis tu fais pas de pornographie ou de... C'est encore drôle, Mathieu. On sait pas tout, hein. Ouais. Tu connais pas les bons sites internet encore. Où je mets mon stuff. J'en connais en maudit, Martin. Mais c'est les sites où il faut payer vraiment plus cher. Ouais, c'est ça. Voir tes amis faire de la porn. Ça serait drôle, ça. Mais bref, envoyez-nous vos problèmes, là. On va le répéter d'ici la fin. Mais je pense qu'une solution possible serait de se prendre une petite job à temps partiel, mais vraiment, oui. Mais vraiment qui ou du bon, bénévolat, c'est pas une job, c'est ça. Non, veux... mais s'il se met à écrire à la maison, ouais, ça. Il dit je suis auteur, wow. C'est ça. Je travaille sur mon roman. Vraiment bien. Donc, ça. Je ne suis pas fonctionnaire, je suis auteur, mais tu sais, pour arrondir les fins de mois, je suis fonctionnaire. Ouais. Donc, mais faut payer le loyer, ouais, c'est ça. Ouais. Mais selon vous, toutes les solutions sont des solutions d'évitement, là. On peut pas finir par revaloriser, tout simplement. C'est non, ça, c'est comme... Mais c'est un départ. Je pense pas qu'en fait, on est victime d'une généralisation, d'une perception, mais je pense pas que concrètement, il y a de quoi qu'on puisse faire pour... mais tu sais, la même perception s'applique chez plein de gens, là, comme dire les plombiers, c'est des gros dégueux, ouais. De dire je sais pas, là, c'est quoi les autres perceptions, les facteurs ils ont peur des chiens. Ouais, ils ont peur des chiens, c'est vrai. C'est comme des généralisations, on peut pas vraiment se battre contre ça. Il en souffre. Les laitiers ont engrossé toutes nos mères. On peut pas vraiment se battre. Les dompteurs de lions ont mauvaise haleine. Ah oui, il y a aussi les laitiers qui n'existent plus. Ouais. Oui. Les laitiers qui n'existent plus, on avait vu ça sur Facebook, ça passait. Les laitiers, c'est terminé, là, le dernier, après sa retraite. Ouais. Ah, pour vrai? C'est drôle. Mais non, c'est ça, vu que la perception est généralisée, il faut trouver une manière de individuellement faire changer ça. Faut qu'on intervienne auprès de chaque personne parce que sinon, globalement, ça ne changera jamais. C'est un cliché. Là, de... Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un? Là? Disons que j'avais à intervenir sur une personne. Je choisis mon proche et je lui dis « Qu'est-ce que je te dis pour revaloriser la fonction publique? » Ben, je sais pas, peut-être justement payer des gens pour, mettons, 5$ par jour. Et toi, chaque jour, il faut que tu dises au moins à une personne une bonne chose qui t'est arrivée au bureau des permis, au service de police, à la piscine municipale. Ils pourraient se donner 5$ entre eux. Puis le faire eux-mêmes. Non, non, mais tu sais, pour un autre. Entre service. Oui, oui, aujourd'hui, je suis allé à la piscine municipale. Ah oui. Le préposé était tellement souriant, là. Hey, je ne sais pas combien il était payé, lui, pour sourire de même. Puis mais... il y avait encore du poil sur le chest. Oui. Il y avait encore son poil. Oui. Une autre solution serait peut-être d'investir dans le design des bureaux ainsi que dans les uniformes des employés afin de rendre quelque chose de plus cool et plus in fashion, là, tu sais. En ayant des plus beaux bureaux, je pense qu'il serait quelque chose de plus... Ben, des plus beaux uniformes aussi. Beaux uniformes, là, comme des costards griffés, des robes Marie-Saint-Pierre. Imagine si les polices là, se mettaient un peu un saut un peu futuriste là, à la Judge Dredd. Top. Là, avec avec des braquettes en plastique là, qui moulent un peu leur torse. Des lunettes avec des lumières, là, tu sais. Des lunettes avec des lumières, je sais pas. Hey, ce cyborg m'a donné un ticket de stationnement. Cyborgs, là, ça y est, je les adore. Ouais. Ben, c'est sûr. Ou se promener toujours avec un chat, la moitié du monde vont capoter. Ils touchent plus aux chats. Non. C'est ça que je te dis, là. C'est fini, les chats. Mais à Montréal ou partout, maintenant, ils se sont passés le mot d'intervenir plus pour les chats. Non, je peux pas parler pour Mascouche, mais à Montréal, c'est sûr et certain. Je comprends parce que les pompiers ont d'autres choses à faire, mais sinon. Comme quoi? Communauté. Petite communauté, là, de je sais pas, moi, de Saint-Alexis, de Montcalm. Je les salue en passant, mais peut-être que le service de pompiers, ça se peut très bien que pendant un mois, il n'y a rien à faire. Ben c'est peut-être des pompiers volontaires. Qui viennent se servir de leur grande échelle pour venir sortir ton chat. Mais qu'est-ce qu'on a fait, les tuyaux? Je suis quand même surpris de la théorie comme quoi le chat va finir par redescendre de lui-même. Si vraiment c'est le cas, je suis pour que le pompier reste chez eux. Là. Mais je suis pas certain, mais c'est ça que les pompiers disent. Et ils utilisent l'argument qui, selon moi, est vraiment très biaisé de... As-tu déjà vu un squelette de chat au pied d'un arbre? Oui, c'est vrai, c'est un bon argument. Ou dans un arbre. Mais dans un arbre, il peut pas rester là, là, un moment donné. Ouais, il tomberait, Ben, j'avoue. Mais il va se coucher avant de mourir, non? Tu sais, il est rendu faible un peu. Ça se pourrait qu'il tienne sur la branche. Ouais. Non, mais il va essayer de descendre. Mais, excuse-moi, mais je me disais que... De voir son poste un peu comme une pièce essentielle dans une voiture. T'sais, oui. Moi, je suis la courroie. Ouais, nommé. Transmission. Non, mais... Avec ça, vraiment, je suis le moteur, en fait. Ouais. Ben, c'est ça. Mais non, mais de peut-être voir son poste. Peut-être que son poste à J.S. Chapelot n'est pas nécessaire à cette voiture. Ouais, ouais. Mais s'il l'est, tu sais, juste d'expliquer, ben, si je suis pas là, il y a ça qui se passe pas, puis il y a ça qui se passe pas. Et déjà, là, ça... Mm-hmm. Ça... De dire de façon poétique. Ouais. Mais souvent, un des arguments aussi, c'est que les gens vont vouloir tout privatiser, disons, sous prétexte qu'on va sauver des coûts. Donc, moi, en tant que consommateur, ça va me coûter moins cher. Mais on oublie tout le temps l'appauvrissement collectif qui arrive, par exemple, à ce moment-là. Ouais. Mais c'est surtout le fait que dans le privé, ça se passe pas comme dans le public, dans le sens que dans le privé, le patron qui est au-dessus de ça, lui, il veut pas perdre son argent pour rien. Ça fait que celui qui fait mal son job ou celui qui prend trop de pauses, il va se faire slacker assez rapidement, tandis que dans le public, c'est pas pareil, vu que c'est l'argent des contribuables, on dirait que tout est un petit peu plus slack partout, ouais. Le monde s'en permet. Effectivement, il y a ça, mais il y a aussi l'autre pendant de la médaille qu'on met moins l'accent dessus, qui est qu'on va avoir parfois dans le privé des dirigeants beaucoup plus extrêmes ou disons qui vont mettre des employés à la poste sans nécessairement de raison très valable pour le faire, alors que dans le public, ils vont être un peu plus protégés. Ouais. Ça peut être une bonne chose. On voit tout le temps le mauvais côté de dire... Tu dis à la poste? Oui. Ouais. À la porte. Oui, tu as dit à la poste. On a tous compris. On va le mettre à la poste. On a compris que la poste est à la porte, de toute façon. C'est vrai, ben oui. Ouais. En fait, la poste ne sera plus à la porte. Ne sera plus à nos portes. Exactement à ta porte. Ouais. Il y a plusieurs jeux de mots. Mais c'est triste, ça, parce que la poste, plus à notre porte, c'est à nos portes. Oui, dans effectivement. Ça va chier. Change pas de poste. Non, mais. même poste. Mais la SAQ, c'est. C'est fonctionnaire, ouais. Oui, c'est un bon exemple, la SAQ. Mais c'est à but lucratif, par exemple. C'est différent. Ouais. Ah oui. C'est comme Hydro-Québec. C'est à but lucratif, donc. Il y a quelqu'un qui répond de ces revenus-là. Là. Il y a vraiment un boss à la SAQ qui, lui, il faut que ça s'assure que ça rentre, sinon il se fait taper ses doigts. Là. Il y a quand même... Oui, mais il y a quand même des règles qui font en sorte que c'est pas parce que le Bailey's Caramilk vend qu'il faut qu'il va en acheter, il va acheter juste ça. Là. Ils ont quand même un souci, oui, un souci de garder une qualité. Ouais. De... Oui, quand même, mais il va en avoir beaucoup de Bailey's Caramilk si ça se vend. Ouais, c'est sûr. Non, je peux vous dire, les impératifs de rentabilité de la SAQ, c'est très important. Ouais. Je comprends, d'ailleurs, le Bailey's Caramilk, ça se vend. Il y a le Bailey's Mini Egg Calbury qui s'en vient pour le temps de Pâques. Ça a l'air que ça va être malade. Si tu vas genre en Ontario, puis tu vas dans un liquor store, tu t'en as là, des bouteilles funky que tu fais. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Là? Mm. Du hot sex? Je vais m'en prendre deux. Mais ils n'ont pas le droit, ils ont pas le droit d'avoir la vodka d'Anna Croyd, la non! Crystal Skull en tête de mort. Ils l'ont pas en Ontario, ils n'ont pas le droit. C'est trop méchant. Ça a l'air trop méchant. Avez-vous vu, vraiment parenthèse, j'ai vu des gens, en français, c'est quoi, forensic? Folie. Forrest Gump. Hein? Forensic en folie. Forensic, qui font pour les meurtres. Pour les meurtres, oui. Les forains. Oui, bon, mettons que c'est des forains. Ouais. Okay. aux homicides. Oui, mais ceux qui font la reconstruction à partir d'un crâne, ils l'ont fait. Sur le crâne, la bouteille en forme de crâne, puis... et c'est une face qui se peut pas d'un gars à une gueule. C'est très cartoon. C'est drôle. Un gars avec une gueule ouverte. C'est spécial. Waouh! Tu nous la montreras. Il y a du monde qui ont rien à faire au forensic, puis c'est vrai, là. Ouais. Ou c'est des gens. Ouais. C'est un petit projet sur le side. Il a fait ça. Ils ont fait ça pendant la fête forensic. Ouais. Mais c'est un gars de la fonction publique là, qui avait probablement rien à faire de son appel. Ouais, j'imagine. Sinon, tu peux juste mettre de la pâte à modeler dessus puis tu le vois, là, la face qu'il y aurait. Mais c'est vraiment... Oui, tu mets de la pâte à modeler dessus, mais il faut que tu saches comment faire. Tu connaisses les muscles. Oui, ouais, c'est ça. J'essaierai de vous mettre le... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est juste... Bon, Mathieu, il se fait mal avec ses écouteurs. Il n'y a pas nié mauvais. Il n'y a pas nié celui avec les épingles. On est encore en train d'enregistrer. Oui, oui. Je voulais que les gens voient Les écouteurs de Mathieu Lufond-Marc. Oui. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi un complot. On est tellement dans une espèce de tendance où justement on veut se libérer de toute contrainte gouvernementale qui peut avoir encore là un complot de prôner ces mentalités-là qui fait qu'on va diaboliser d'une certaine façon les fonctionnaires. Faudrait peut-être essayer. Comment changer la réponse de tout le monde? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis fonctionnaire. Oh, ouais! Tu sais, comment se rendre là? Oui, mais pourquoi justement on valorise pas plus les enseignants, disons? Ouais. Pourquoi un des premiers. Tu sais, je veux dire, s'il y a un travail assez fondamental et terrible que je voudrais pas faire, puis un des premiers commentaires, encore là, très généralisé, c'est ouais, 2 mois de vacances, de congé pendant l'été, tu sais. C'est ça, là, c'est. Oh, ouais. Mais avez-vous vu la capsule faite sur Bref, à la manière de Bref? Ouais, il paraît que c'est très intéressant. C'est très bien fait. Puis je l'ai regardé avec ma sœur qui est prof à côté de moi, puis elle faisait « Ah oui, ça m'arrive. Ah oui, ça. » Oui. Mais tu sais, c'est ça, il y en a plein de postes de fonctionnaires qui sont très valorisés. Je pense que lui, il est juste pas fier de son poste. C'est oui, c'est lui qui fait du caramel pour le premier ministre. Mais tu sais, maintenant. Je pense qu'il achète son caramel. Tu sais, aux travaux publics, là, les gens travaillent fort là, quand même. Je parle pas genre des cols bleus, là, mais tu sais, les gens là, qui font à la géomatique, tout ça, là, c'est du monde qui sont dans le rush, puis qui ont beaucoup de décisions importantes à prendre pour le fonctionnement de la ville, mettons. Là, même mon père est dans la fonction de public là, pour le ministère de la Défense et. Il est dans le jus, mais sans arrêt. Il travaille très, très fort. Qu'est-ce qu'il fait, ton père, exactement? Il s'occupe, il est directeur de l'entretien des manèges militaires de l'île de Montréal. OK. Il y a plein de départements, plein de gars qui jouent pour lui. Mais tu sais, plus tu baisses dans les échelons, plus les gars se pognent de beigne, tu sais. Ouais. Là, il y en a, après ça, plus bas que là, les gars sont syndiqués et c'est... Écoute, à 3 heures, il faut absolument que tu prennes ton break, peu importe la job que tu fais. Puis si à 3 heures, tu prends pas ton break, mais il y en a 4-5 qui vont respirer fort à côté de toi. On prend ton break, il est 3 heures, on a de l'air de quoi nous autres. Ces affaires-là, on entend parler des affaires de on dirait que c'est mal vu de travailler fort après ça, tu sais. Mais si t'es plus haut, par exemple, dans la hiérarchie, ça a l'air que t'as une bouteille de Bailey's Caramel qui devient à tous les... comme bonus à Noël. Mais sinon, moi, je suis bien gros... un partisan de la solution du déni. Et à chaque fois qu'on te pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Change de sujet. Ou tousse, éternue. Fait comme « Attends, tape. Faut que j'éternue, là. » Oui, mais qu'est-ce que tu fais dans... Non, tape, faut que j'éternue, là. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a peut-être des meilleures mises en scène que ça, Martin. Comme « Moi, ce que je fais, sors un petit ghetto, je suis fonctionnaire. » Quelque chose ça, de c'est ça, mon gars. Tu vas avoir du plaisir à dire que t'es fonctionnaire. Ben oui, à chaque fois. Tu sais, hey, Mandy, qu'est-ce qu'il fait? Mandy, qu'est-ce qu'il fait? Encore. Puis prépare des tunes nouvelles à chaque semaine. Hey, check Mandy cette semaine. C'est drôle, j'entendais tellement comme la tune de Human Nature, là. Madonna, Human Nature. Okay. Je sais pas pourquoi j'entendais ça, là, sur ton ghetto, là. Mais c'était peut-être celle-là ça, aussi. C'était celle-là, j'entendais. Je pense qu'une solution possible, c'est passer par les post-it. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui fournit les post-it à tout ce beau monde-là. C'est sûr. Juste imprimer sur tous les post-it « Valorise ton emploi ». Et là, le mot se passe. Le mot se pose. Puis là, quand tu vois quelqu'un qui ne valorise pas bien ton emploi, tu y passes un post-it. Hey, valorise. Non, c'est bon, moi j'aime ça. Mais c'est sûr que de pas pouvoir dire ce qu'on fait, ou en tout cas de ressentir un certain malaise à nommer notre travail, c'est quand même triste. On devrait. Oui, c'est triste. C'est vrai. Ça veut dire qu'il sent une pression de la part des autres. Je pense que quand il en parle, il a l'impression que. T'sais, les douaniers sont fonctionnaires. Mais il y en a qui sont plus mal vus que d'autres. Là, justement, comme les douaniers. Travailler aux finances, ça doit pas être très, très... Donner des tickets. La madame qui donne des tickets sur Mont-Royal, là, elle en a... C'est peut-être reçoit des insultes dans une journée. Là. Oui. Mais c'est peut-être de trouver une valorisation qui ne vient pas de ton travail. T'sais. Parce que mettons, tu es fonctionnaire, tu as un bon salaire, tu as des bons avantages, tu vas chercher d'autres choses positives, mais la valorisation, ben, trouve-la dans un hobby ou dans un animal mais, de compagnie. Mais lui, il veut glorifier son rôle dans la société. Ouais. Ouais. T'sais? Ben. Qu'est-ce que tu fais de l'accompagnement aux malades en fin de vie, là? Tu vas être glorifié en estime. Ouais, là, c'est sûr qu'on est obligé de travailler dans le général. Fait ouais. qu'on va glorifier l'ensemble des fonctionnaires. Il faut trouver une manière. Puis pour moi, ce côté-là, c'est quand même de briser beaucoup de mythes et de préjugés qu'on a. Ouais. De déménager dans un pays communiste. T'as moins de choix, là. C'est, ben, t'as moins de choix. Possible. En fait, tout le monde est quelque part ouais. est fonctionnaire là-bas. Fait que... Ouais. Tu te dis là au moins il est glorifié, pas le choix, tout le monde fait ça, fait que tant mieux. Peut-être qu'il faudrait vérifier à quel point la perception est négative aussi, tu sais. Peut-être que ça a changé notre perception des fonctionnaires. Tu sais, moi dans ma tête, un fonctionnaire, c'est pas quelqu'un de dégueulasse ou ouais. qui, mais qui travaille moi, les pas tant. Première comme, image comme les Yuffie, je pense. Ouais. Tu sais, c'est plus de temps, ouais. on en parle ouais. plus, on fait plus de temps de jokes de fonctionnaires, non, mais... Ouais. Il reste un fond là, collé dans le chaudron. C'est là c'est qu'ils ont pogné une sacrée bonne coche, pareil, depuis 20 ans, les Newfies. C'est ah ouais? plus les Newfies des années 70. Mais c'est non, c'est là. Vraiment différent. Hey, les Newfies. C'est les New Newfies. Ça a l'air que maintenant, dans les jokes, une fois, c'est un Newfie, un Anglais, puis un Français dans un avion. C'est tout le temps le Français qui mange la claque. Ah, c'est clair. Bonjour aux amis d'Europe qui nous écoutent. Le Newfie puis l'Anglais s'en tirent super ouais. bien. Mais c'est pas la même personne. Non. Oh, ouais. Alors, sur Twitter, on a Nicolas Bissonnette qui a écrit « Aller à la job habillé en super-héros. » Oh, ça glorifie ouais. son affaire. Mm-hmm. Ça peut amener d'autres problèmes, par exemple. Ouais. Ça veut dire c'est beaucoup de spending. Je pense qu'il là, s'arrange, il s'arrange ouais. pour perdre sa job et justement ne plus avoir à ça, avoir ça, ce problème. Dans le film de Trekkies, là, la femme qui allait à sa job habillée en Star Trek, mm-hmm. Tout le monde l'acceptait. Mais elle trouvait bizarre, mais tout le monde l'acceptait. Ouais. Oui. Mais il y a tellement de trickies. Moi, je sais pas pourquoi, ma perception de le fonctionnaire qui avec la mauvaise réputation, c'est la madame en arrière d'un comptoir, genre d'un bureau de ouais. passeport ou des ouais. trucs de même. Là, c'est, ouais. Moi, c'est ces gens-là vraiment. Que je vois quand on fait « Hey, les fonctionnaires ». C'est ça. Non, c'est au moment, je pense, où il faut aller à la ville, admettons, pour aller chercher ouais, un ouais, permis, ouais. pour changer ses fenêtres. Ouais. Au moment où il faut que tu ailles chercher... C'est souvent, c'est là, là. C'est synonyme un peu de bureau puis de, ouais. de paperasse. Ouais. De... Ouais. C'est vrai qu'on vise pas tant, justement, les pompiers, les policiers, parce qu'on est pris les travailleurs pour... de service. C'est l'attente avant ou c'est vraiment le service, la le, relation que vous avez avec la personne? Le niaisage, en fait. La paperasse. Le la bureaucratie. Le... Ouais. Le... Hey, moi, j'ai une idée. Mettons, ouais. là, une association avec un média comme La Presse, mettons, mm-hmm. qu'à chaque semaine, il y aurait toujours une espèce d'entrefilet qui s'appellerait, mettons, tu sais, du zèle hors norme. OK? Puis là, ça serait comme une personne, mettons, au bureau des passeports qui. Tu sais, c'est tout à une histoire vraie, là, tu sais, de quelqu'un qui a été au-delà de ses responsabilités pour aider quelqu'un. Tu sais, mettons, c'est la madame des passeports qui a vraiment aidé quelqu'un à avoir un passeport vite. Ou c'est un peu comme l'annonce d'Uniprix, là, du monsieur pharmacien qui est allé porter du lait. Ouais. Là, ouais, ouais, faire ouais. une campagne de publicité sur genre, tu sais, hey, on n'est pas juste by the book puis on passe pas chez notre poste. Des fois, on se magne le cul aussi pour vous. Là. C'est une excellente solution. Mmh, ouais. Moi, là, c'est le publicitaire qui parle, ouais. c'est ça. Ben, une campagne de pub pour glorifier ton emploi. Ouais. T'as eu un moment, comment il s'appelle, là, dans Mad Men? Don Draper. Ouais, un peu. Hein, les producteurs de lait. Ouais. Là, oui, les producteurs de poulet, en fait. Il y a une annonce aussi là-dessus, le plus grande, je vais être comme mon père, nanana. Ouais. T'es producteur de volaille du Québec. Puis ça a l'air cool. Hein. T'écoutes cette pub-là, puis tu dis, waouh, quel beau métier. Ben là, oui, là, le côté filiation, là. Fait qu'on pourrait avoir 8 générations de fonctionnaires back-à-back. Les forces armées canadiennes qui font une publicité ouais. à la télé, là, c'est comme quasiment être dans l'armée, c'est quasiment dans le monde des scènes de jeux vidéo, ouais. là, de ouais. Call of Duty. Ouais. Où tu... Ça a l'air que ce niveau-là, ça va très bien. C'est plutôt au niveau de la gestion économique que c'est plus dur pour eux autres. Ah oui? Ils sont rendus sous tutelle, l'armée. Là. Ah oui, à ce point-là. Cool, ouais. Puis les viols aussi, hein. En tout cas. On n'en retrouvera pas là-dedans. Là. J'ai une solution possible, moi. Go. Ben c'est investir... vous rappelez-vous du podcast qu'on avait fait sur les hôpitaux, comment désengorger les urgences? Ouais. Antoine y avait proposé... c'était quoi le... C'est de Toyota, là. Essayer de couper tous les bouts qui sont pas nécessaires, là. Ouais. Eh bien, le wushu, je me rappelle plus du mot nécessairement. Je me souviens. Mais si on investit, plus aléatoire comme chiffre, là, 5% du budget de la fonction publique à, ou peut-être même pas 5%, 1%, à une petite équipe qui repense, qui vont juste dégraisser, tweaker des affaires, un petit peu faire. Ils vont passer toute la journée genre au bureau des passeports. Là, et pendant, je sais pas moi, un mois, ils repensent la patente. Puis ils font, bon, mais si on mettait le cadran là, puis si on... une commission. Si les petites madames étaient là. Mais tu sais, qui font ça constamment, là, qui ajustent un petit peu toujours à gauche, à droite. Un peu comme les horlogiers du... la fonction publique. L'unité d'intervention spéciale de la fonction publique. Parce qu'énormément de partis politiques promettent tout le temps ça, dégraisser l'appareil. Mais les autres, vont, c'est comme juste prendre un couteau puis chopper en diagonale. Ouais. Ben, en tout cas, j'ai l'impression. Ça là, manque c'est... de discernement. Ça, ça prend du monde. Faut que ça soit pensé, là, que tu t'enlèves pas n'importe quoi pour rien. Là. Non. Puis l'impact humain de ça aussi, tu sais... T'arrives gros gens comme devant, puis t'es consultant, tu regardes un milieu de travail, puis tu deviens comme le méchant qui va couper des jobs. Là, c'est des pertes d'emploi, mais bien aussi, moi je pense qu'il y a encore vraiment une question de perception. Ouais. Moi je pense que c'est sûr qu'il y a des améliorations à faire. Ouais. Il n'y a aucun problème, mais souvent, ça va toujours pogner de faire. On va. Le but, c'est de la rendre plus efficace, puis peut-être qu'effectivement, ça implique de couper des emplois, puis je suis sûr qu'il y a des pertes de rentabilité, d'efficacité, peu importe, mais je suis certain que notre perception est vraiment plus négative que ce que c'est sûr. En réel. Mais, OK, admettons qu'on ne coupe pas d'emplois dans ma solution. Ouais. C'est qu'on replace du monde au bon endroit, tu sais, c'est pas... Changer d'attribution de tâche, c'est ça. Mais là, encore là, un autre problème, c'est que souvent, c'est des départements qui fonctionnent sur des budgets extrêmement serrés. Fait que oui, ça veut pas dire qu'il y a pas de perte, puis qu'il y a pas de... Ouais, mais moi, te donner un exemple du monde où il y a quand même... Prenons que la santé puis l'éducation, par exemple, là, ça roule pas sur l'or. Là. Non, on est même under budget de beaucoup. Puis au contraire, ça crée de l'engorgement et ça crée des frustrations. Alors que cette frustration-là ne devrait pas tomber sur les employés, mais au contraire, ils travaillent. Ça travaille fort. Ça travaille fort. Non, mais je dis pas que ça travaille pas fort. Ils ont pas une belle table de baby-foot neuve pour justement comme leur pose. Comme d'une agence de pub, là, c'est sûr. Ils sont pas à Google? Non. Ah, mais prendre le modèle Google? Ouais, tout le monde sur des poufs. On est assis sur des beanbags. C'est absurde un peu ça. C'est fou pareil. Ben écoute, moi je... C'est... Ouais, ça passe par la façon dont t'en parles, je pense, JS Chapelot. Qu'est-ce que tu fais de moi dans vie? Moi, monsieur, je suis fonctionnaire. Oui, puis il y a beaucoup de jobs de fonctionnaire que des fois, tu sens que c'est des gens qu'ils ne voulaient pas faire ça, tu sais, ou que c'était un peu en attendant, mais ça fait 20 ans. Souvent, c'est des bonnes jobs, souvent. Des bonnes conditions. Moi, je pense, dis ton poste à la place. Ouais. Ben oui, c'est ça. Je suis justement, je suis préposé au... Je suis directeur des ressources humaines. Ouais. J'ai 25 employés à ma charge. C'est quand même aussi des milieux de travail je qui suis valorisent. De... Les fins de semaine, je suis auteur et quelquefois cuisinier chez moi. J'allais dire, c'est des milieux de travail qui valorisent aussi l'éducation, là, dans le sens que ça te prend un bac pour avoir ce job-là. Versus, mettons, le milieu bancaire, des fois, là, où tu as des ratés là, qui montent les échelons, là, ou même dans l'entreprise privée, là, des fois où on s'en fout de ton papier, mais. Ça fait du monde qui n'ont pas d'instructions aussi. Il y a aussi un podcast, Jess Chapelot. Dis, je suis podcasteur. Ben oui. Animateur de podcast. Ben oui. Moi, c'est ce que fan je dis. Des Canadiens. Fan de geekité, geekitude et geekness. Fan des Canadiens, Yankees et Joke Plat. Oui. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Moi, dans la vie, je suis un fan des Canadiens. Sarlon balado, moi, si j'avais geek. Un bad call à faire, c'est bien plus d'être un fan des Yankees que d'être dans la fonction publique. Ça, c'est un bad call. Ça, c'est gênant. Non, mais chroniqueur chez Facteur Geek et Parlons Balado, qu'on a salué l'autre fois. Salut! Donc, encore une fois, JS, merci de nous avoir fourni un problème. Est-ce qu'ils sont numéro 1 sur Balado Québec? Eux? Je sais pas. Non, ça, je pense que ça a changé. Derrière Catherine Perrin? Mais non, Balado non. Québec, elle est pas là-dessus. Je sais, là-dessus. Je sais. Hey, c'est de la haine gratuite, là. Laissez-moi ma némésis. Messieurs? Non, sans plus, là. Avez-vous des solutions préférées? Oui. Solutions préférées? On est rendu là, là. S'il en est une... Ben moi, j'apprécie pour ma paroisse, mais une campagne d'image. Je pense que la fonction publique pourrait mettre un peu d'argent. Puis à partir de faits vécus, on dirait que j'aimais cet angle-là là, un peu. Ouais. Mm. Je vais seconder, mais je vais conseiller fortement de garder au moins un peu de pilosité dans vos calories. Ouais. Moi, j'attendais la hot sauce, là, Simon. Là. Je pense si que... vous pouvez, en plus, s'il vous manque, si vous avez besoin d'un angle, je dirais, oui. Faites un calendrier qui promouvoit votre métier et la hot sauce. Et un bot plug. Moi aussi, je vais prêcher pour ma paroisse, puis je pense que je vais y aller avec le petit ghetto. Oui. Et la présentation extraordinaire de son métier. Oui, moi, j'aime bien cette idée-là aussi. De qu'est-ce présenter... que c'est un préposé au non-affamant? Ben, ça fait ça, puis ça fait ça, ça, ça. Alors, ça, c'est moyen. Là. Oui, mais j'aime bien le petit rap avec le petit ghetto. Sinon, c'est vrai qu'on pourrait melter tout ça, aller travailler en super-héros avec son petit ghetto et faire des calendriers. Il y a comme quelque chose là qui... Ouais. Mais dans la présentation, j'aime bien dans l'image, là, vraiment, là, le petit ghetto, le petit costume. Moi, je suis dans cette idée-là. Si, mais en même temps, le ghetto, il faut que tu te promènes partout, là, parce que c'est pour les gens qui te posent la question. Quand tu vas au travail, ils savent ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça, le ghetto. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathieu? Je suis un fonctionnaire et je m'exprime. Et je m'exprime par la fonction publique. Si vous avez, vous, des solutions pour Jess Chaplot, écrivez-nous sur notre page Facebook. Mm. Et écrivez-nous aussi vos problèmes et les problèmes de vos amis. Et ou envoyez-nous ça audio, hein? De façon audio ou par écrit, podproblème@gmail.com. Donc, faites ça, là. Mais arrêtez le podcast, là. J'ai une anecdote à vous partager. Quoi donc? Okay. Qui va m'amener sur la prochaine annonce que je veux faire. Qu'est-ce que c'est? La semaine passée, je suis allé voir sur Balado Québec si on était encore premier. Ouais. Mm-hmm. Et comme de fait, oui, on est encore premier. Mais c'est pas ça que je veux dire. J'ai voulu voter pour le podcast et j'ai pu re-voter. Quoi? Moi qui, jadis, avait malencontreusement mal voté. J'avais mis 2 étoiles et demie en sachant pas comment voter. Là, j'ai pu mettre un franc 5 étoiles. Wow. Alors, je vous invite, si vous avez déjà voté, re-votez. J'ai comme deux malaises avec ça. Non, il n'y a pas de malaise. Ah non? Trop d'honneur. De vraiment voter deux fois, j'ai un malaise avec ça. Puis voter pour moi, c'est un deuxième malaise. On s'en cache pas qu'on veut être les premiers de la francophonie depuis longtemps. Pas capable. iTunes, on peut mettre 5 étoiles. Oui. Balado Québec, on peut mettre 5 étoiles. Et sinon, on peut aussi aller chercher un chandail de pas de problème sur le site de Mr. Dress Up ou aller sur le site de l'Instable. Et en même temps, sur le site de l'Instable, vous pouvez en profiter pour nous faire un don qui nous aide à... Pas grand-chose pour l'instant parce que on a assez... Ouais, on aurait pu s'acheter un micro. Ouais, quand même. On a payé des micros. Un bout de micro. Mais regardez, on est-tu loin du million? Parce que ça paraît pas. Parce que ça paraît pas parce que moi, je parle dans un micro. Frédéric aussi, Mathieu aussi, mais Simon parle dans une canne de conserve. Rattaché à un fil. Rattaché à un fil. Bien tweaké. On est chanceux qu'on l'entende. Oui. Je l'aime, ma canne. Ben, on était à 98,5 étoiles. Il en manque 2 pour topper le 100. Chris, c'est fort. On vous rappelle que c'est 5 ou rien. Hein? Non. 5 ou rien. Vous aimez moyen le podcast, vous auriez envie d'en donner un 4 étoiles, un 3 étoiles, votez pas, ouais. Restez chez vous. Oui. Oh, okay. Solution à tous nos problèmes, c'est un nouveau commentaire de Sam Holly. Vraiment très drôle, j'écoute ce podcast en me badigeonnant les gencives de Hot Sauce pour rire next level. Un autre spécial philo, c'était votre meilleur à mon avis. Bon, wow. Merci beaucoup. Alors, continuez comme ça, écrivez-nous, mais écrivez-nous aussi sur notre page Facebook. Puis là, on a assez parlé, on va passer à de la musique. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of... Non, c'est pas vrai. Une bonne petite toune. Une bonne petite toune. Et on écoute Air Supply. Non, en fait, qu'est-ce que je voulais dire avant la fin, Mathieu? T'avais-tu quelque chose à dire, non? Oui, la semaine prochaine, hein, on va vivre un autre problème. Hein, oui. Qui va être le problème, un problème reçu d'outre-mer. C'est pas celui-là. Un problème reçu de ta mère. D'outremont, je pense. D'outremont. ça doit être ça. D'outremont. Oui, oui, oui. Oui. Un problème de télécommande. Oh, et, oui. Et on aimerait saluer nos bros de cast de RZO Web. Donc, allez voir ça, on est là-dessus, puis il y a d'autres mondes là-dessus, puis c'est bien bon. Ben oui, j'écoutais ça. Dernièrement, on est rendu avec une petite signature en début ouais, de podcast. Ouais, ouais, ouais. Programmation de podcast. Oui. Il faudrait lui demander de faire notre mot de la fin. Oui. On va l'ajouter. Non. Non, il faut quelqu'un la fasse, là. Je ne connais pas le Vous gars. Avez un problème. Nous avons un podcast. Hey, c'était bon. Thanks, bro. Sauf que j'ai dit nous avons un problème. Vous avez un problème. Terminé.